FrenchPod.com. Il est quelle heure? J'ai bien de faim, pas toi? Si, viens, on va aller à la boulangerie. Ils font des super sandwichs. Ils font des sandwichs à la carte? Ouais, tu peux choisir tous les ingrédients que tu veux. Salade, fromage, œufs, thon, jambon, poulet, mayo, tomate, maïs, avocat, oignon. Et des sandwichs chauds? Oui, ils font des panini délicieux, comme le provençal avec du fromage de chèvre et du basilic, ou encore le montagnard avec du reblochon et du jambon de pays. Et des croque-monsieur? Oui, aussi, ils font tout. Et tous les ingrédients sont frais et sains. Tu peux même choisir ton pain. Tout est fait sur place. Ça cartonne! On y va? Ouais, je crois que je vais me faire un McDo en fait. Quoi?